Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une émission de rendez-vous avec la création sonore, les musiques inclassables et les artistes, bien sûr, qui inventent avec le son comme matière première. Je vous propose ce soir une rencontre avec deux artistes passionnés par l'expérimentation que le destin a réunis d'abord dans un contexte de service communautaire dans un centre de méditation. Un contexte qui va ensuite les mener ensemble sur les chemins de la création multidisciplinaire au sens large et des arts sonores de manière plus singulière. J'accueille donc ce soir les artistes Charline Daly et Gabrielle Arnois-Blouin, deux jeunes femmes à l'esprit lumineux qui produisent et performent ensemble depuis quelque temps sous le nom de Le Désert Mauve, un magnifique label, une identité de scène inspirée, comme elles nous le raconteront ce soir, du roman-essai de l'écrivaine Nicole Brossard qui n'a pas hésité à leur donner son aval. Ce duo, le Désert Mauve, que forment Charline et Gabrielle, je l'ai découvert il y a quelques mois alors qu'elles présentaient un spectacle dans le cadre de l'édition 2020 du Festival de sonorités électroniques MUTEC à Montréal. Un spectacle constitué de synthèses d'images et de sons performés, évoquant, dit-on, des paysages fluides, des horizons qui n'en finissent jamais et de la danse à une échelle microscopique, tout ça rythmé de silentes progressions, que ça en érode la notion de temps. Je referme les guillemets. Mais d'abord, je vous présente mes invités de ce soir. Charline Daly est une artiste visuelle qui s'est frottée au design graphique et qui explore l'auto-hypnose comme outil de création. Sa démarche artistique est inspirée par les enjeux de la perception réelle et imaginaire. Cette perception, dit-elle, qui départage les nuances de couleurs, de lumière, ainsi que ses corps et ses voix qui logent aux limites du visible. Elle exploite la vidéo, l'écriture et la peinture pour faire advenir d'autres formes de regard, pour le faire évoluer, dit-elle, au-delà de la surface qui le porte. Son travail a été présenté à Perte de signal, à la Galerie de l'UQAM, à la SAT, à Eastern Bloc et au Festival MUTEC ici à Montréal, ainsi qu'au Musée d'art contemporain de Toronto, au même Festival de Bilbao, au Festival Noviembre Electronico de Buenos Aires, et évidemment j'en passe. Quant à Gabrielle Arnois-Blouin, c'est une artiste sonore et musicienne qui utilise la voix, le texte, les synthétiseurs et l'enregistrement in situ comme matière première. Sa démarche oscille entre l'improvisation libre et la composition de tonalités qu'elle dit subtiles et délicates. On dit qu'elle s'intéresse aux états de conscience et cherche des accès à la lenteur, à l'hypersensibilité et à la tendresse. « J'aime les lacs froids et les cerises de terre », dit-elle. Elle a étudié les musiques numériques à l'Université de Montréal et effectue une maîtrise en arts sonores à l'Université des arts de Londres. Elle a présenté son travail à Montréal et au Mexique notamment. Alors, Charline Daly et Gabrielle Arnois-Blouin m'ont fait le plaisir d'un entretien il y a quelques semaines, toutes les deux au travail de l'autre côté de l'Atlantique, l'une à Londres, l'autre à Paris. Voilà, fin du préambule, parole à mes invités réunis sous l'intitulé « Le désert mauve ». « Bien, alors, Charline et Gabriel, bienvenue à l'émission. Très content de vous retrouver ce matin. Merci, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Charline et Gabriel, ma première question, c'est comment s'est fait cette rencontre de vous deux? Comment s'est développée cette collaboration? Bon, parce que le désert mauve, c'est l'intitulé de ce travail de collaboration. Mais comment se fait la rencontre d'une artiste qui fait ses études à l'UQAM, l'autre qui fait ses études à l'Université de Montréal? Ben, en fait, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de deux filles qui, justement, ont des intérêts communs, ont une pratique extrêmement complémentaires, puis qui décident en même temps, par miracle, d'aller faire un service dans un centre de méditation pas trop loin de Montréal. Donc, ils sont colocs de chambre pendant 10 jours. Donc, c'était comme ça, vraiment. On a travaillé ensemble, on a coupé des légumes ensemble, puis à un moment donné... Après environ une semaine, un peu plus de travail ensemble, on s'est dit « Mais sinon, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, on a réalisé qu'on avait des pratiques artistiques super similaires, avec des inspirations communes. Et voilà, c'est de là qu'est partie l'envie de collaborer. Exact. Puis ça a été très clair. Tu sais, je pense qu'après avoir été si près pendant quelques jours, on savait que c'était possible puis que c'était une bonne idée. Donc, on s'est dit, voilà, on doit travailler ensemble. Ça a pris un certain temps. Puis à un moment donné, le projet a décollé. C'est vraiment intéressant comme démarche de voir l'entrecroisement de vos visions artistiques. Puis j'aimerais qu'on en parle peut-être d'abord avec Charline. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta démarche artistique, parce que tu es à l'origine une artiste visuelle, n'est-ce pas? Oui. Et à lire ta bio, ton cheminement, on sent qu'il y a beaucoup de multidisciplinarité dans le cheminement. Oui, tout à fait. Mais ma pratique, elle évolue entre différents médiums, la vidéo, l'installation, la performance et l'écriture. Et à travers mes différents projets, je m'intéresse notamment aux seuils perceptifs et aux subtiles nuances de couleur, de lumière, mais aussi au corps et aux voix qui se situent aux limites du visible. Et il y a souvent un lexique de forme et de texture qui revient dans mon travail, comme la fluidité, les empreintes, le miroir ou la transparence, par exemple. Et après, dans mes inspirations, je pourrais citer... je suis particulièrement inspirée par l'art vidéo des années 60-70. Donc je pense à la pratique de Steina et Woody Wasulka, qui étaient vraiment pionnières à l'époque. Mais je pense aussi aux installations lumineuses de James Turrell et les compositions sonores d'Eliane Radig, qui ont vraiment joué un rôle majeur dans l'évolution de ma pratique, notamment par rapport à leur recherche autour des seuils perceptifs. Tu as travaillé d'ailleurs avec plusieurs artistes sonores dans la création vidéographique ou performative en tant que telle. Oui, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec différentes personnes. Et là, dans les dernières années, je me suis vraiment concentrée sur le désert mauve avec Gabriel. Et là, ça fait vraiment plaisir de sentir un travail collaboratif où on se comprend vraiment, on a vraiment comme des intentions similaires qui vont dans la même direction. Je me souviens d'une empreinte particulière. Son motif s'apparentait davantage à celui d'un désert. Le relief imprimé dans le sable se creusait de telle sorte qu'il formait des murs dissimulant la lumière à l'horizon. Ces chemins sinueux formaient un labyrinthe étrangement familier. La sécheresse de ce monde faisait grandir l'espoir d'une source. On dit qu'il existe encore des espaces d'eau douce, là, dans les entrailles de la terre. Chaque fois que je m'enfonce dans cette architecture incertaine, une question persiste. Ma perception me donne-t-elle accès au réel? De quelle réalité parle-t-on? C'est comme l'intuition soudaine d'être en relation avec un espace illusoire, un espace qui s'effondre et se dérobe sous les yeux à chaque seconde, sans cesse remis en question par la multitude des espaces possibles qui l'interpénètrent. La fluidité des murs était là l'indice d'une direction évanouie. Au travers des surfaces ambiguës, respire la espaces en devenir. Une lueur au loin s'intensifie peu à peu, irradie les paupières jusqu'à éblouir. Son empreinte lumineuse fait battre dans la rétine la mémoire d'une entité liquide. Le désir brûlant de rentrer en interférence fait fondre les limites. Il n'est alors plus possible de dissimuler celle qui sépare le corps de la surface du silence, celui des origines. Cet instant suspendu procure la simple et viscérale sensation d'être. D'être au centre d'un espace et d'un temps tout à fait infini. Lorsque l'empathie discrète se déploie, le souffle du vent se transmet dans le sable et se fond dans le soleil. La vibrance de cette voix fait résonner les mémoires fossilisées. Se révèlent alors celles qui ont chanté. Chanter pour guérir, chanter pour pardonner, chanter pour espérer. Je ne sais pour quelle raison je me sens reliée à ces voix. J'ai la sensation que leur pouvoir de résilience est si ancré, si imprégné dans l'identité du monde qu'il ne pourra être effacé par le temps. Son écriture mystérieuse aurait la capacité de s'imprimer dans des formes aussi diverses que la roche, l'eau, le sable, les pelages, les visages. Elle contiendrait une information à la fois impermanente et incorruptible. La réminiscence continuelle que tout est de passage liquéfie les certitudes et fait confiance à ce qui peut advenir. Je reviens à toi, Gabrielle, qui est, bon, de vous deux, l'artiste sonore, celle qui se définit dans cette perspective-là. Et j'aimerais ça t'entendre, de voir un peu comment surgit cet intérêt pour la création sonore. C'est une bonne question. Je pense que moi, ça a été d'abord par la musique, plus traditionnelle, le piano, le chant, depuis que je suis toute petite, si on fait l'histoire longue. Mais après ça... C'est ça, donc ça a été un langage que j'ai développé, puis c'est un médium à travers lequel je pense que je m'exprime bien. Du moins, j'ai l'impression d'être capable de communiquer certaines choses sans l'usage de mots. Sinon, j'écris aussi. Charline et moi, on a cette pratique-là en commun. Mais ça a commencé comme ça, mais ça m'a pris un temps, je dirais, avant de rencontrer l'art contemporain, puis l'art sonore qui s'inscrit dans ce mouvement-là. Donc, j'ai fait un peu de jazz, j'ai fait de l'électroacoustique, je me suis retrouvée dans ces écoles-là plus traditionnelles, disons. Puis, à un moment donné, encore là, je pense que les œuvres d'Éliane Radigue ont été un point vraiment important pour moi, où ça fait « Attends, ça, c'est possible », des œuvres très minimalistes, très lentes. Donc ça, je pense que ça a été vraiment une charnière, là, je dirais, dans mon parcours. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un moment décisif que de se frotter à ces créateurs, ces créatrices là, de la scène sonore en tant que telle? Oui, vraiment. Puis c'est, j'ouvre un grand dossier, mais j'étais aussi dans des milieux extrêmement masculins où on prônait de la musique ou du son qui était d'une rare intensité avec des changements incroyablement rapides. C'était très, très valorisé dans les milieux dans lesquels j'étais. Alors, je pense de rencontrer ces œuvres-là, c'était tellement précieux. Puis qu'elles soient le moindrement acceptées par ces écoles-là, puis que ce soit présenté comme quelque chose de valide, pour moi, c'était vraiment la bonne porte qui s'ouvrait, je dirais. Donc, il y a ça. Mais tu sais, maintenant, je dois aussi ajouter peut-être que le milieu de la musique improvisée, qui est vraiment important pour moi, qui a modifié ma façon de travailler, vraiment l'improvisation libre, que j'adore, puis qui vient nourrir la façon dont je travaille avec Charline. Puis tout le côté, disons, de l'écoute profonde, donc Pauline Oliveros, le deep listening, c'est des ateliers que j'ai fait aussi, puis tu sais, c'est un espèce de mix entre musique, chant et méditation, ce qui pour moi est un peu un paradis. Donc ça, c'est vraiment des pratiques qui nourrissent mon travail. Gabrielle, tu l'as évoqué, c'est un peu une tradition dans l'émission, mais on va écouter ensemble une pièce d'Eliane Radigue. Vous l'avez évoqué, alors on écoute ça. Bon, Charline et Gabrielle, il y a ce projet qui s'intitule « Le désert mauve ». J'étais curieux, évidemment, dès la lecture du titre, parce que ça évoque, évidemment, le roman de Nicole Brossard, le roman essai. Mais on est sans doute dans un univers qui est différent, mais peut-être pas. Et j'aimerais que vous me parliez de l'émergence de ce projet-là. Comment il surgit? Charline, est-ce que tu plonges? Mais peut-être tu veux parler du titre et avec justement le rapport à Nicole Brossard. Oui, je peux mentionner ça. C'est Charline qui a eu l'idée du titre. Je pense que c'est un titre qui décrivait bien ses visuels d'une certaine façon. Puis, disons, l'ouverture, la couleur, tout ce que ça implique, tout ce que ça implique, c'était représentatif de notre travail. Puis après, bon, Nicole Brossard est une écrivaine, poète, québécoise, féministe, donc c'est sûr qu'on aimait ça aussi. Mais on est quand même allé demander l'approbation avant de s'emparer comme ça de son titre. Charline a écrit un message sur Facebook à Nicole Brossard, vraiment lancée dans l'univers, là. Bonjour, on a un duo audiovisuel, est-ce que ce serait correct pour vous si on utilise le mot le désert mauve? Et elle nous aurait écrit longue vie à votre désert mauve. Puis depuis ce temps-là, elle partage nos publications. C'est vraiment comme un, comment on dirait ça, un marrainage, est-ce que ça existe, qui est tombé du ciel un peu. Charline, le désert mauve, bon, pour peut-être le présenter aux auditeurs, qu'est-ce que c'est? Comment ça se déplie? Comment ça se présente? Mais notre travail, il se présente sous forme de performance, mais aussi sous forme de projection immersive et d'installation. Et en résumé, notre démarche est guidée par les notions de care, de lenteur et de durabilité. Donc notre mission, c'est d'offrir des espaces où il y a de la place pour l'introspection. Et on aime beaucoup l'idée de faire perdre la notion du temps. Et pour nous, la lenteur, c'est un acte politique, un acte de résistance face à l'hyperactivité de notre société. Oui, il y a toute une réflexion tout de même autour de la vie méditative, de l'intériorité, de la vie intime dans ce travail. Est-ce que je me trompe? Mm-hmm. Non, c'est très juste. Pas du tout. Je pense qu'on travaille comme on vit, en fait. Puis pour nous, il devrait pas y avoir de différence entre ces deux choses-là. De la même façon que notre relation d'humaine à humaine est prime, en fait, sur notre travail. Pour nous, il n'est pas question de faire du beau travail, mais dans les coulisses, je ne sais pas, moi, de ne pas s'aimer, de ne pas prendre soin l'une de l'autre. Moi, c'est des choses que j'ai quand même côtoyées en musique plus pop ou dans d'autres milieux. C'est ça, produire des belles choses, mais en arrière-scène, se faire du mal. Alors, l'idée, c'est vraiment de rejoindre les deux sphères, donc de prendre soin l'une de l'autre, de travailler avec vraiment cette lucidité-là, je dirais, c'est vraiment de faire attention à nous, puis d'amener ça dans notre travail. Avec beaucoup d'écoute et d'empathie pour l'une et l'autre, mais aussi c'est ça que nos œuvres essayent de transmettre. Charline et Gabriel, pour se mettre un peu dans l'esprit, on va écouter un extrait un peu substantiel du spectacle qui était présenté à MUTEC en septembre dernier. Alors, on écoute ça. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie du duo Le Désert Mauve. Je vous reviens après un bref battement promotionnel. Alors restez des nôtres. CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, rebonsoir tout le monde, c'est La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h sur les ondes sonores de CKRL. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces du Désert Mauve entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant, ou presque, sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça très facilement sur la toile. Alors, cela dit, j'ai rendez-vous ce soir avec Charline Daly et Gabriel Arnois-Blouin, qui forment le Désert Mauve, un duo qui développe une démarche artistique multidisciplinaire autour du son, de l'image, de l'écrit et de réflexion autour du temps, du territoire, de l'art engagé, du féminisme et de la vie, tout simplement. On dit que leur recherche se situe entre la biologie, la géologie et l'abstraction, alors qu'elle compare les sensations corporelles aux paysages extérieurs, soulignant leur porosité et leur interrelation. Charline Daly est une artiste visuelle dont la démarche artistique est inspirée par les enjeux de la perception. Elle dit à propos de son travail, et là j'ouvre les guillemets, « À la fois science-fiction et rêverie poétique, mes œuvres ébauchent des espaces où se jouent et se déploient les identités humaines, biologiques, minérales et technologiques. » Elle cherche à raconter ses œuvres autrement le sensible, à contre-courant des récits écologiques hégémoniques. Et là, je referme les guillemets. Gabrielle Arnois-Blouin, quant à elle, est une musicienne et une artiste sonore qui s'intéresse aux performances acoustiques intimes, aux musiques de chambre électroniques qui mélangent saxophone et voix, privilégiant l'improvisation libre et la composition faite de nuances et de subtilités. Elle utilise les voix et le texte, les synthétiseurs et l'enregistrement in situ pour créer ses univers artistiques. Alors voilà, c'est dit à propos de Charline Daly et de Gabriel Arnois-Blouin qui forment toutes deux l'ensemble Le Désert Mauve que je reçois ce soir en entrevue. Et Charline et Gabriel, bon, l'une ou l'autre, vous me répondez, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans ce projet du Désert Mauve une trajectoire qui est presque autobiographique? Peut-être que toute œuvre est autobiographique, on ne peut pas se sauver de soi-même, n'est-ce pas? Mais je dirais que c'est très fictif aussi, parce que chaque fois qu'on prépare une performance en duo, on se crée un petit scénario imaginaire, donc cette fois-là, pour Mutec, MicroStars, on s'est vraiment imaginé une petite histoire de fusée, puis de galaxie, puis d'étoiles, puis on s'était fait un monde, en fait, puis on est parti dans notre délire un peu comme ça. Ça reste très abstrait, donc pour les gens, c'est pas nécessairement perceptible, mais nous, ça nous guide dans notre travail. Donc, je dirais que c'est on porte nos valeurs dans tout ça, mais à chaque fois, ce sont des petites histoires, des petits narratifs différents. Mais cette question par rapport à l'autobiographie, ça me fait vraiment penser à un de nos projets qui est différent, Corps minéral, qui intègre une narration qu'on a coécrit. Et là, c'est sûr que oui, il y a des éléments quand même très personnels, intimes, qui sont exprimés de manière très poétique et ouverte, mais c'est clairement inspiré de nos expériences. Sur ce projet, rappelez-moi comment il s'appelle déjà. Il s'appelle Corps minéral et on l'a réalisé dans le cadre d'une résidence dans le dôme de la Satosphère, la Société des arts technologiques à Montréal. Et donc c'est un film immersif avec une narration qu'on a coécrit. Et ce projet, il s'inspire de la science-fiction, d'archives, documentaires. Et en fait, on y met en relation l'espace de nos vies, de nos expériences sensorielles avec des phénomènes géologiques. Donc il y a l'idée des strates de mémoire, qu'elles soient contenues dans la roche ou dans nos cellules, qui s'inscrivent dans un cycle allant de la sédimentation au désagrégement. Et l'œuvre, elle invite à appréhender ces processus de transformation avec empathie et attention pour considérer leur lenteur comme un moyen de guérir les blessures. Ouais. On s'intéresse vraiment à cette porosité-là entre ce qu'on vit comme être humain, puis tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous, en fait. Donc, ce lien-là entre le corps et le paysage, entre le corps et les minéraux, plus précisément dans le cas de cette œuvre-là. C'est ce qui a guidé le travail, de vraiment mettre ça en relation. On pense que c'est important aussi. Je pense que l'écoféminisme, ça définit bien aussi les courants auxquels on appartient, je dirais. Puis, cette liaison-là entre l'environnement puis l'humain, pour nous, c'est majeur. Puis c'est important d'en parler puis de se souvenir qu'on fait partie du reste, en fait. On va écouter un extrait de ce projet intitulé « Corps minéral ». De fermer les yeux. L'eau pénètre à travers les strates et descend jusqu'au niveau imperméable, formant des nappes souterraines. Il est possible de cartographier l'invisible, de recenser les différentes couches de mémoire, dont les topographies correspondent au chemin de l'écoulement des eaux. D'abord, il faut se souvenir de la direction pour se rendre au centre, entre les poumons, là où s'infiltrent les plus grandes réserves d'eau douce, là où le quartz se repose. J'observe ma petitesse la grandeur de l'ensemble avec aveuglement. Il reste plusieurs formes de brûlures sur mes paupières. Je n'ai jamais réussi à ne pas scruter le ciel directement. Ses contours, sa hauteur, ses durées, combien de choses. J'ai oublié. Charline, à propos de corps minéral, c'est tout de même une proposition dans laquelle s'insère un élément littéraire, un élément poétique, un élément de narrativité. Je me trompe ou... Non, c'est vrai que c'est la première fois qu'on introduisait le texte, le rapport à la narration dans notre collaboration. Et comme on a toutes les deux une pratique d'écriture, c'était vraiment une nouvelle manière de se rencontrer dans la collaboration. Je propose de lire un extrait de la narration. Les rides de soleil sur mon visage, la lumière franche au fond des yeux, le temps que je n'aurais pas passé à attendre, alors que les cristaux se réfléchissent sur la rétine comme autant de possibilités spacieuses. Combien de couleurs il y a peut-être ? C'est l'infini, l'impossibilité du calcul. J'observe ma petitesse et la grandeur de l'ensemble avec aveuglement. Il reste plusieurs formes de brûlures sur mes paupières. Je n'ai jamais réussi à ne pas scruter le ciel directement. Ses contours, sa hauteur, ses durées, combien de choses j'ai oubliées. On sent que vous avez, ça fait un peu cliché, mais on sent que vous avez une approche qui est très holistique à l'égard de la création. Donc, pas uniquement le monde de l'art pour l'art, mais on est engagé dans un projet plus englobant. Moi, je pense que toute démarche artistique est politique. Il n'y a rien qui est apolitique. Donc, soit on se désengage, soit on s'engage. Puis pour moi, que ce soit conscient ou non, pour moi, les deux sont une posture tout aussi forte. Donc, ce serait, pour moi c'est un mot fort, mais ce serait un peu lâche en fait de pas m'engager. C'est trop important, c'est trop précieux. La vie est précieuse, notre présence ici est précieuse, nos relations sont précieuses, donc c'est important pour moi que notre travail reflète ce en quoi on croit, puis ce qu'on trouve important. Quelle lecture vous faites de l'engagement des artistes aujourd'hui? Pour moi, chaque posture est politique. Qu'on le veuille ou non, notre travail s'inscrit dans le quotidien, dans la réalité, dans ce qui se passe. Donc, je pense que ça vient avec la notion de responsabilité, en fait. De se rendre compte que ce qu'on propose, ce qu'on ajoute là, dans la sphère artistique, ben en fait, ça propose une vision du monde, ça encourage une certaine vision du monde. Puis, ben, idéalement, il faut être en paix avec ce qu'on propose, puis ouais, que ça... être en phase avec ça. Je pense que c'est ça. Je pense que ça n'existe pas, l'art qui, en fait, c'est ça, est déconnecté du contexte politique. Moi, je vois pas comment faire ça, en tout cas. Charline et Gabriel pour compléter notre entretien, notre rencontre de ce matin. J'aimerais ça que vous me parliez des projets à venir. Comment ça se profile pour vous autres les prochaines semaines, les prochains mois sur le plan de la création? Ben, c'est sûr qu'au niveau du Désert Mouv, pour le moment, vu qu'on habite respectivement à Paris, à Londres, on continue comme on peut, mais plutôt faire des appels de projets. On pense à un projet qu'on aimerait continuer cet été, qui s'appelle... La première version du projet s'appelait Silk Ripple. Puis pour le coup, c'était vraiment une exploration toute analogique, qui était différente de ce qu'on a pu faire par le passé, où on filme en temps réel les micro-gestes de la main, de la bouche qui chante. Pour Gabriel aussi, c'était assez nouveau, ces explorations-là, puisque pour la première fois, tu utilisais la voix dans notre projet. Oui. Le Désert Mouv. Oui. Le retour aux premières amours, c'est ça qu'on a fait. Donc, on va continuer ça. Moi, j'ai aussi vraiment le rêve qu'on travaille sur une installation en lien avec ce qu'on a présenté à la SAT l'an dernier en résidence. Donc, vraiment qu'on se crée un lieu physique, en fait, qu'on travaille sur la projection, qu'on crée, on veut faire nous-mêmes les coussins, penser comment les gens peuvent se reposer pendant qu'on présente un travail. Donc, voir comment ça pourrait s'intégrer en galerie, en fait. Oui, que ce soit vraiment un espace où ce soit confortable pour recevoir l'œuvre. Et pendant le mois de juin, je reviens à Montréal pour une résidence à l'atelier circulaire où je vais faire des explorations en art d'impression. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'explorer ce rapport à l'impression sur textile et qui sert de support à des projections vidéo aussi. Gabriel, Charline, grand merci de m'avoir accordé cette belle rencontre ce matin. Puis, en espérant vous croiser bientôt à Montréal ou quelque part au Québec. Avec plaisir. Ça fait vraiment du bien de se retrouver en ligne comme ça ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, tout à fait. Merci. Mais tu vois, justement, il y a certains de ces textes qui nous accompagnent, puis on était en résidence au tout début de la vague de COVID, la première vague en mars 2020, puis on avait avec nous un de ces recueils de poésie, puis j'ai essayé de retrouver le poème en particulier qui nous a marqué pendant cette semaine-là, peut-être même ce fameux vendredi 13 où tout s'est arrêté, en fait. Puis le poème disait « Entre le paysage, maintenant, la vie, les écrans et notre mortalité, je m'en tiens aux sources de tendresse. » c'est des choses comme ça, trop parfaites, en fait. On se disait, c'est, on en avait besoin. Alors voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir sur les sonorités des artistes Charline Daly et Gabriel Arnois-Blouin du duo Le Désert Mauve. Grand merci à Gabriel et Charline de nous avoir permis l'écoute d'extraits de leurs œuvres et de m'avoir accordé cet entretien que vous retrouverez en reprise sur le site La Croche-oreille. C'est facilement repérable sur la toile. Alors quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL, le 89.1, pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles.